Si doux qu'on se frotte doucement. Nous voulons danser un bon salsa. Nous voulons danser un bon salsa. Nous voulons danser un bon salsa. Martinique, Réunion, la Guyane. Côté l'Afrique, côté Haïti. Mais autres ensemble, pour s'en faire la paix. Et puis sauver yon des mouns qui fait d'esprit pour faire l'union. C'est la France en nouillé. Côté Guadeloupe, Martinique, Réunion, la Guyane. Côté l'Afrique, côté Haïti. Mets-nous ensemble pour s'en faire la paix. Et puis sauver yon des mouns qui fait d'esprit pour faire l'union. C'est la force en nous, yeah, yeah.